chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tushimame njua kuomba. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Wakati mwa moja tunasalimia nduku na wadada huko mtandao. Prenons notre livre de nombres. Tutachukua kitabu yetu ya hesabu. Nombre au chapitre 22. Hesabu sura ya 22. Commençons au verset 1. Tukunanzia mstari yake ya kwanza. Jusqu'au verset 6. Kufika hata mstari ya 10 ya na mstari ya 6. Nombre au chapitre 22. Hesabu 22. Verset 1 jusqu'au verset 6. Tukunanzia mstari ya kwanza kufika paka 6. Merci, Père Céleste. Accente, Baba Aliyejuu Mbinguni. Toi, le grand Dieu. We mwenye kuwa Mungu mkubwa. Tu es l'unique Dieu qui sonde nos cœurs. Mungu pekee unanachimbaka mioyo yetu. Tu sais de quoi nous avons besoin. Unajua mahitaji yetu. Toi seul, tu es le sauveur. We pekee yako uko mkombozi. Si tu as versé ton sang, kama ulimwanga damu yako, c'est pour notre bien. Ni juu ya vizuri yetu. C'est pour nous racheter de la. Ni juu ya kununua tokalufu. Seigneur, viens maintenant. Bwana upate kushuka sasa. Nous sommes ton peuple. Sisi ni taifa yako. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Tunakuhitaji maisha yetu. Viens conduire nos vies, Seigneur. Uya na uongozi maisha yetu. Selon ta volonté. Kufuatana na mapenzi yako. Nous voulons être réellement des chrétiens. Akika tunapenda kuwa Kristo. Pas de faux chrétiens, Seigneur. Hapana wa Kristo wa Bongo. Bwana Yesu. Lakini abanaume banamuki. Que tu as engendré. Bale wewe ulizala. Dans ta mort, dans ta résurrection. Mukufa na kufufuka kwako. Béni chacun de nous. Bariki kila moja wetu. Béni la parole qui sera lue. Bariki neno tasoma. Béni les frères qui sont en ligne. Bariki wanduku kwa mtandao. Mets chacun de nous sous l'onction du Saint-Esprit. Weka kila moja wetu chini upako ya Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab. Watoto wa Israeli wakaenda na wanzo piga kampi kulo kiwanza ya Moab. Au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Kule ngambo ya Rodei macho na macho na Jericho. Balak fils de Tzippor. Balak mwana wa Tzippor. Vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Akaona ili yote Israël fanya kwa Amorea. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Na Moab akapata boka mbele ya taifa yenye kuwa mingi kabisa. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Na matetemeko na oga kampata mbele ya watoto wa Israël. Moab dit aux anciens de Madian. Moab akambia wazee wala ku Madian. Cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent. Iwingi ya batu italabisha babatu wote wanazunguka. Comme les bœufs broutent la verdure des champs. Bali bena kula majani ya mashamba. Balak fils de Tzippor. Balak mwana wa Tzippor. Était alors roi de Moab. Alikuya mfalme wa Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam fils de Beor. Akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beor. À Petor sur le fleuve. Kule ku Petor kumuto mkubwa. Dans le pays des fils de son peuple. Muinchi ya wana wa taifa yake. Afin de l'appeler et de lui dire. Kusudi wapate kumuita na kumwambia. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Tazama taifa moja natoka Misri. Il couvre la surface de la terre. Banesha kuyala padunia. Et il habite vis-à-vis de moi. Na begonekala macho na macho na mie. Viens, je te prie. Na kusi upate kuja. Maudis-moi ce peuple. Unilani eko itaifa. Car il est plus puissant que moi. Sababu iko uwezo kabisa kunishinda. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Sazingile muinama ndio taweze kuapika. Et le chasserai-je du pays. Na kuafukuza muinchi. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Najua kwamba ule wewe unabariki ni mwenye kubarikiwa. Et que celui que tu maudis est maudit. Na ule wewe unalani ni mwenye kulaniwa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka kusoma neno lake. Je me suis un peu étonné. Nilishangaa kidogo. Lorsque quelques frères m'ont dit que hier j'étais très rapide. Wakati wa nduku kidogo yamasema jana ni hubiri mbio. Ça n'a jamais été mon intention d'être rapide. Ile ayakuyaka ni yangu ya kuhubiri mbio mbio. Nous prêchons c'est pour que chacun de vous reçoive la pensée profonde de Dieu. Tunahubiri ni juu ya kila mmoja wenu apate kupokea ile wazo upana ya Mungu. Mais j'ai toujours tiré votre attention. Lakini mine kalaka mkukota ngalisho yenu zaidi. Quand vous entrez dans l'église, wakati ile mnaingia mkanisa, prenez le temps de se consacrer au Seigneur. Mwanze kubeba wakati ya kujitolea kwa Bwana. Priez et dites au Seigneur. Unaomba na unamwambia Bwana kusema, accorde-moi suffisamment de grâce. Unipatie kwa neema ya kutosha. D'être dans l'esprit du jour. Kusudi nipate kuwa muroho moya na roho ya siku. Dans l'esprit du prédicateur. Mwili roho moya na mhubiri. Priez et dites Seigneur en moi attentif. Omba na useme Mungu unipe kusikilivu. Éloigne de moi toute forme de distraction. Ondeshe mbali na mimi aina yote ya kulingama. Et dispose mon cœur à recevoir ta parole. Na utayarishe moyo wangu juu ya kupokea neno lako. Si vous priez sincèrement, kama tu unaomba na roho yote, vous recevrez ce que vous demanderez au Seigneur. Akika kilo taombo teipata. Que ça soit avec la vitesse du prédicateur. Ataka mambiri kuna mambiri mbio mbio. Cela ne va pas déranger votre entendement. Ili aiwezi kutenkesha kushikia kwako. Normalement, quand j'apporte un enseignement, kwa kawaida, mwakati, pour tous les anciens frères, manduku bote wa zamani manajua, kama nafundisha, voilà comment je me comporte. Tazama, namna kani mine jongozaka. Et retenez ça une fois. Mwibambe, mara mwako aloti. Je prends toujours soin de faire une petite révision avant de commencer la pensée du jour. Mbele ya kwanza wazo ya siku mimi nikalaka mkurudiria amo kidogo. Les choses qu'on a dites hier. Bile bitu tulisema jana. Avant de commencer la pensée d'aujourd'hui. Mbele ya kwanza wazo ya leo. C'est ce que je fais souvent. Na kwa kawaida zaidi ndio vinafanyaka. C'est pour rendre le mémoire de chacun de vous fraîche. Ninju ya kurudisha kutena ukumbusho wa kila mmoja wetu. Afin qu'on évolue ensemble. Kusudi tupate kuendelea pamoja. Et comme la journée d'hier. Na sashi kwa jana. Nous avons commencé par revoir un peu ce qu'on a vu dimanche. Tulianzia kuona ile tukisema siku ya juma. J'ai bien dit dimanche. Dimanche, ni c'est ma vie. que les 14 points que j'avais énumérés, ya kwamba manukta ile 15 nilitayaka, ces 14 esprits, ile maro 15, ces 14 sentiments, mauvais sentiments qui persistent dans les frères d'Israël, ile ma nia makumi na ine iko maro ya banduka ya Israël, les caractérise tous. Yote inafananisha. Wale ni bonikanisha. Les caractérise. Jo tabia ya boti. Il y a une différence entre traduire et interpréter. C'est la chose que vous devez vous faire, et l'effort que vous devez faire. Traduire et interpréter, ce sont deux choses entièrement différentes. Oui. C'est pourquoi vous voyez les frères ou les sœurs qui ne suivent que les Swahili ne vous captent pas bien. Il faut traduire la pensée. Okay. C'est très important. Donc, traduire, on peut utiliser une expression. Un exemple. Mufano. Il fait beau. Asema wakati ko mzuri. Maintenant, quand on utilise il fait beau, wakati anasema il fait beau mu Kifaransa, vous devez vous comprendre dans quel sens ce beau là est utilisé. Ule kuna tafsiri ambacho kile kusema ni munana kana anapenda kusema vile. Pour donner la pensée juste. Donc, ce n'est pas une tradition littérale. Prenez la pensée. C'est cette pensée-là qu'on interprète. C'est là où est cachée la pensée de Dieu. Alors, soyez souple quand vous interprétez. Merci. Soyez souple quand vous interprétez. Soyez attentif. Soyez attentif quand vous interprétez. Alors je disais ceci. Premièrement, nous parlons d'Israël. Ya kwanza tunasemelea njoo Israël. Dans la prophétie. Katika unabii. Et présentement, nous parlons d'Israël. Namuyu wakati tunasemezea juu Israël. Avec ses propres frères du sang. Na banduku yake badamu. Qui sont ses propres voisins. Benyekuya bajirani yake tena. Mais qui sont très méchants à son égard. Lakini be unarumbaya juu Israël. Des frères méchants, banduku barumubaya, à l'égard de leur frère Israël. Kuangaria nduku yabo Israeli. Bien que Dieu n'a donné qu'un petit territoire à Israël, ata vile Mungu alipatia kabdongo tu kidogo a Israeli. Mais ses frères ont une haine interminable contre lui. Lakini banduku yake bana chuki bila mwisho juu ya Israeli. Ils ont une fureur beko na kasirani qui les anime jusqu'à la destruction de leurs frères. Asira ile basukuma bapate kuharibu wala kumpotesha nduku yabo kabisa kabisa. Dans leur objectif. Mukifukuzio wala shaba yabo. Dans leur haine. Muchuki yabo ile. Dans leur colère. Mule kasirani yabo wala makari yabo. Dans leur jalousie. Mule buivu yabo. Dans leur orgueil, dans leur arrogance. Mule kiburi yabo, mule kiburi yabo. L'objectif est d'éliminer complètement Israël. Shaba ni kualebisha kupotesha kabisa kabisa Israeli. De l'effacer sur toute la terre. Kumujimisha tu padunia mjima. pour que le nom d'Israël disparaisse complètement. Kusudi jina Israel ipate kupotea kabkwaloti. Et qu'eux occupent le territoire de leurs frères. Nabo bende bakaikali mule jimbo ya nduku yabo. Et nous avons pris Amos pour vous expliquer. Nanjua kumifasiri ya turubeba Amos. Hier là, nous avons pris Amos pour vous expliquer. Jana turubeba Amos ya kumifasiri ya. Comment cet homme ou cette famille a étouffé la compassion envers leurs frères israélites? Namnakani ijama wala umuntu arikataria kurumia wala kushikiria buruma Israël. Cet homme c'est Esaü. Umuntu tu as semezé à mon aileu à quoi mani Esaü. Ce sont les enfants d'Esaü. Ni batoto Esaü bari tu as semezé. Même père. Baba moya. Même mère. Mama moya. Mais pas de compassion envers son frère. Lakini banakosa ile buluma kwa nduku yabo. Nous avons dit que tumeambia kusema Dieu a noté l'acte qu'Esaü a posé contre son frère Israël. Mungu arandika ile tendo Esaü anofanyia nduku yake Israeli. Quand Israël est arrivé devant le territoire de son frère Esaü. Wakati Israël arifika mbele ya jimbo ya nduku yake Esaü. Israël avait un bon cœur. Israël alikuwa na moyo mwema. Il n'avait pas de problème avec Esaü. Abakuwa na mambo na Esaü. Il n'avait pas un problème avec son territoire. Na hata na bulongo wala jimbo yabo abakuwa na mambo. On ne sait pas tout vous dire en une seule fois. Sa vile atuwezi kuniambia bitu yote mshikumoe. Si vous lisez le chapitre avant. Wakati mkisoma ile chapitre. Dieu lui-même avait dit à Israël. Mungu amemwambia Israël. Je sais que Esaü najua ya kusema Esaü ne vous laissera pas traverser son territoire. Ate miachiria mupite mujimbo yake. Dites-lui quand même. Lakini mumwambie. Comme moi je vous ai déjà béni. Sable mimi nesha mibariki. Vous payerez tout ce que vous mangerez et vos bêtes sur votre passage. Mukifike mbulongo yake pa kupita. Bile biote mtakula wala banyama yenu batakula mutaripa. Tu vas payer l'eau, tu vas payer la nourriture. Mai kunye utalipa, chakula kikule utalipa. C'est ce que Israël a fait. Nani jo ile Israël armulomba. Il Moïse envoie des messagers. Wajumbe wale Musa alituma. Il dit mon frère Moab. Anabatuma sasa mwende mkamwambie nduku yangu Moab. Ton frère Israël dit ceci. Nduku yako Israël anasema hivi. Je te prie. Nuna kusi. Je suis ici à la frontière. Niko huku kumipaka ya nchi yako. Dieu nous avait envoyé longtemps en Égypte. Wakati ya zamani unajua kwamba Mungu alituma au Misri. Terriblement. Tuliteswa zaidi mule. Nous et nos pères. Chie na babu zetu bote. Mais le miracle de Dieu nous a libérés. Malakini kwa miujiza ya Mungu tunatoka. Et nous sommes maintenant nous sommes sur le chemin de retour. Na hapa tuko munjia kurudia kwetu. Pour aller occuper notre territoire que Dieu nous a donné. Dieu a shikwenda kukala mujimbo ile Mungu atupatia. Maintenant je te demande. Sasa niko na kusi. Mina kuomba. Laisse-moi un passage. Uniachie ko balabala. Qui me permettra de traverser ton territoire. Ile itenirusu nitambuke munchi yako. Et pendant mon passage. Na wakati ya safari katika nchi yako. Tout ce que moi et nos troupeaux mangeront. Bile biote mie na kondo yangu tunaweza kula mule. Et tous les gens qui sont avec moi mangeront. Na bile bale batu niko nabo batakula mule. Que ça soit l'eau. Ikiwe mai. Que ça soit n'importe quoi. Iwe aizuru nini. Nous payerons. Tutairipia. Et nous te garantissons. Na tunakuhakikisha kusema. Nous allons seulement suivre la voie que Dieu lui-même nous a tracée. Tutafuata tu ni ile njia ya Mungu atupasuria. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. Hatutaenda kushoto wala kuume. Jusqu'à ce que nous aurons terminé. Kufika na pale tutamaliza. Nous aurons traversé votre territoire. Wala tutatambuka bulongo bwako wala nchi yako. Nous avons dit ceci. Tumeambia jana hivi. Même la manière, quand vous lisez la Bible, quand vous nous donnons des versets, allez à la maison, commencez à lire wakati ça. Misal, mwende kunyumba mwisome. Quand vous voyez, wakati munaona, Israël, Moïse demandait le passage, Moïse mukulomba njia. Il demande en suppliant. Ekone yomba na kusikote. Il frappe au frère de son frère. Eko na gonga wala apika hodi kuro ya nduku yake. Sois compatissant envers moi. Eko na buluma kwangu. Laisse-moi passer parce que c'est le chemin qui est plus proche de mon territoire. Sababu muinchi yako njo njia karibu ya kwenda muinchi yetu. Je suis ton frère. Niko nduku yako. Je ne suis pas ton ennemi. Mishina adui wako. Mais regarde la réponse. Mais lakini angalia jibu alimpatia. Esaïe a révélé la méchanceté. Esaïe a réunissé tena rumbaya. Qu'il avait dans leur jeunesse à la maison paternelle. Alikuwa kana mubuyana wakati wako kunyumba ya baba zabo. Esaïe a refusé. Esaïe alikatala. Dis je ne te pas, je ne te laisserai pas traverser mon territoire. Siwezi kukuacha upite mwinchi yangu. Si tu le fais, kama unapima kupita, je vais t'attaquer. Takutoka na mupanga. Voyez, je vais t'attaquer. Takukumbanisha na mupanga. Et je sortirai avec l'épée pour vous tuer. Na ntatoka na mupanga jua kuwa. Voyez, c'est une méchanceté à outrance. Hii ni roho mbaya ya juu kabisa. Et c'est lorsque nous avons fini de parler de ça. Na ni pale tulisha kusema vile. Nous avons parlé de quatre crimes que Dieu lui-même évoque. Ile mauaji ine ile Mungu mwenyewe anasema. Edom a fait. Anasema Edom wala Esau mwenyewe alifanya. Quels sont ces quatre crimes? Na ni mauaji gani ile alifanya? Nous avons dit. Tulisema hivi. Ya kwanza ni chuki. De la fureur. Ya pili ni hasira. De la vengeance. Ya tatu ni kulipishana kisasi. Qui conduit à la mort. Ile kunaongoza pa kulufu. Et quatre. Na ine. Vouloir récupérer kutaka kunyanganya wala kubeba kwa nguvu inchi ya Israeli. Juu ya hili Dieu a dit, Mungu alisema, je me vengerai. Wewe takulipisha kisasi, taripisha kisasi yulu yenu. C'est cette pensée. C'était la première pensée. Dieu kwa wazo wa kwanza. Et nous avons pris maintenant la deuxième pensée. Na tulibeba wazo wa pili. C'est la prophétie contre Moab. Ni unabi yenye naangalia Moab. Qui est Moab? Moab ni nani? Moab est un fils de Lot. Moab mutoto wa Lot. Lot a eu deux fils. Lot arizalaka watoto bawili banaume. Avec ses deux propres filles. Na batoto yake banamuke bale bawili. Il a eu Moab avec sa première fille. Na binti wa kwanza wake alizana naye Moab. Et Amon avec sa deuxième fille. Binti wake wa pili anazana naye Amon. Mais qui est Lot? Sasa Lot ni nani? Lot est le neveu d'Abraham. Lot ni mwipwa wa Abraham, mtoto wa dada yake Abraham. Il est neveu, mtoto wa nduku yake. Mtoto wa nduku yake. Abraham. Abraham. Et le père de Lot. Na baba wa Lot. Sont des frères. Ni banduku. D'un seul père. Balizaliko kwa baba moya. Et d'une seule mère. Na mama moya. Comme dans le langage naturel, on dit ba mkubwa na muloko. Kusema naturellement on dit le grand frère et le petit frère. Quand Dieu appelle Abraham, wakati Mungu anamuita Abraham, et qu'il exige de sortir et de se séparer, na alimwa lazimisha sema atoke na jitenge. Abraham a pris Lot, Abraham, qui était l'enfant de son frère. Alibeba Lot mwenye kwa mtoto wa mpwa yake, mwenye kwa mpwa yake, pour l'amener. Dieu a kwenda naye. Quand ils sont arrivés, wakati walifika, il n'y avait pas de problème entre eux. Akukwema mambo katikati yabo. Abraham a pris Lot comme son propre fils. Abraham alimubeba Lot sa mtoto yake wa kulizalia. Parce qu'à cette époque-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham ashikwaki hata na mtoto. C'est par amour. Ni kupitia mapendo. Qu'Abraham prend Lot. Je parle Abraham alibeba ka Lot. Après la sortie, kisha bokutoka, ils se sont retrouvés sur le territoire que Dieu avait montré à Abraham. Barifika mule ijimbo Mungu alimwambia ka Ibrahimu. Dieu avait béni Abraham. Mungu abariki Ibrahimu. Et Lot aussi. Na Lot. À cause d'Abraham. Kwa ajili ya Ibrahimu. Dieu aussi l'avait béni. Mungu alimbariki. Les deux maintenant avaient beaucoup de troupeaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu après? Comme ils avaient beaucoup de bêtes, le territoire était devenu petit. Il y a une querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Il n'y a pas une querelle entre Lot et Abraham. Abraham, comme un homme sage, il dit, toi, là, tu es mon frère. Comme les problèmes commencent comme ça, ces problèmes-là peuvent nous atteindre. Et nous sommes des frères. Nous devons garder de bons sentiments et de bonnes relations entre nous. C'est pourquoi, comme la contrée est devenue petite, je vous prie de choisir. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Vous voyez. Et il a laissé par amour. Il n'a pas dit, c'est parce que c'est le terrain que Dieu m'a donné. C'est là où Dieu m'a placé. Il dit, mon fils, choisis le premier. Regarde devant toi. Regarde là où il y a une terre fertile. Choisis premièrement. C'est ce que l'autre avait fait. Regardez Abraham comme un homme juste. Abraham, là où l'autre est parti, il y avait du péché. Et il a eu des problèmes. Na l'autre a répété maman Bokule. Les ennemis sont venus. Badu barikuya. Ils ont pris l'autre. Madame Balot. Comme esclave. Sambutu moi. Abraham qui était animé de bons sentiments. Abraham ou la quoi la manière mauvaise. Ashiko la chuki. N'avait pas de mauvaises pensées. Ashiko na mawazo mbaya. Il arma ses serviteurs. Akawe pacha masila. Kuchiake. Njia kwenda kukumbana njia kumkombola Lot. Et c'est ce qu'il fit. Na ni ile njo ile afanyaka. Si Abraham avait une haine contre Lot. Kama Abraham akuwa na chuki mofuani kwa Lot. Il aurait laissé. Apasha kuacha. Dit non, non, ce que Dieu s'en occupe. Ah, Mungu amwangaikie na yeye. C'est son problème. Ni mambo yake kule. Mais Abraham n'a pas voulu. Lakini ashikufe de ville. C'est le sentiment qu'on retrouve dans un véritable chrétien. Jo mani aiva na kupataka momukristo bya kweli. Regardez quand le temps de brûler. De détruire Sodome et Gomorrhe. Wangarie ata wakati ya kuchoma Sodoma na Gomorrhe fika. Lot est allé vers Dieu. Lot a rien de pour vous. Dieu a kumulia amulombe nduku yake. Il n'avait pas un problème avec lui. Ashukwe na mambo naye. Sinon il aurait dit. Pourquoi a pas ce c'est lui-même qui avait choisi Sodome et Gomorrhe. Yesu Dieu alichakula na Sodome na Gomorrhe. Alungurie mule ni mambo yake. Il est ma question, yote, il est si ya ça. Toutes ces questions qui posaient à Dieu, comme à Koko 20, comme à Koko 50, comme à Koko 10, dans le cœur d'Abraham, c'est l'autre qui visait. Il voulait qu'il soit épargné parce que c'était son frère. Aripenda, Mungu a mwe pushe, ça va mon induku yaki. Donc, il n'y a rien de mal. Mukusema akukwe kibaya ata kimoya. Qu'Abraham avait fait contre l'autre. Arimfanchi à l'autre. Quand vous lisez toute l'histoire, et vous voyez leur parcours, Abraham a été toujours un bienfaiteur de Abraham l'autre. Il n'a fait que du bien. Vous voyez. Mais maintenant, regarde. Lakini mwangarie sasa. Nous avons mis une virgule là-bas. Mais regarde les Moabites. Mwangarie aw Moabite aba. Regarde leur comportement. Wakaja ku Moab, ngaria namna bakutenda. Ils sont devenus très méchants. Banakuwa na roho mbaya sana. À l'égard d'Israël. Ku batoto ya Israël. Et aussi ont haï leurs frères. Nabo barafika mguchukia nduku yabo. Quelqu'un qui n'a fait que du bien. Mutule arkutendia afanya pa bizuri. À leur père. Kwa baba yabo. Quelqu'un qui les avait fait du bien. Mutule arafacha pa bizuri. Même les territoires que Dieu leur a donné, c'est grâce à Abraham. Ninju ya Abraham. Mais regarde les enfants de Lot. Lakini ngaria batoto ya Lot namna abayokushukuru. Ils ont pris en aversion bakachukia les enfants d'Abraham. Batoto Abraham. Vous voyez. Munaona. Et nous vous avons dit ceci. Na tumeambia kusema. Il est haine ya batoto ya Lot. La haine des enfants de Lot. Il toka ni wapi. C'est venu d'où? Il est chouki na mawazo yote mubaya. La haine avec tout ce qui sont en train de penser. Batoto ya Lot ba les enfants de Lot. Israël. Moabite et Amonite baripata quoi Israël. Les bourafiki bariungaka. C'est parce qu'ils avaient tissé l'amitié avec les enfants d'Israël ainsi que les enfants d'Ésaïe. C'est là où nous sommes arrêtés pour dire. Parle tout chemin à coucher. La mauvaise compagnie. Bourafiki baba. Corrompe les bonnes mœurs. Barikaraka mkuarabisha mikario muzuri. Si toi une bonne personne, vous mettez en compagnie de méchants, sera contaminé. Tu seras contaminé par sa méchanceté. Lorsque vous voulez tisser votre amitié, tisser vos amitiés avec des bonnes personnes, la personne qui vous aidera à être aussi meilleure. Si vous allez tisser l'amitié avec des méchants, toi aussi tu seras méchant. Tu te retrouveras toi un homme. Tu ne courtisais pas les prostituées parce que tu as tissé de prostituées. L'amitié avec un autre prostitué, tu le deviens aussi. Toi, jeune fille, tu gardais ta virginité, tu gardais ça. Tu commences maintenant à te promener avec des prostituées, tu seras aussi prostituée. Ni burafiki, c'est l'amitié. Bula batoto ya Lot, que les enfants de Lot bariunga na batoto na batoto ya Esaü, a tissé avec les enfants de Esaü, ainsi que les enfants d'Ismaël. Il les a contaminés cette méchanceté. Et nous avons dit encore hier, lorsque vous marchez avec une personne, à tout moment, il ne fait qu'outrager les gens, il ne fait que calomnier, médire les gens. Et à un moment donné, ça va commencer à te déranger. Mais si tu restes longtemps avec lui comme ami, tu vas t'habituer avec ses comportements et tu finiras par apprécier cela. Et à la fin de compte, ça sera ta vie aussi. Lorsque vous voyez une telle personne, il faut vous en éloigner, il va te contaminer. Marcher avec une personne qui va t'édifier. Voyez frère. Voyez ma soeur. Et nous avons insisté sur notre pensée. Abraham n'a jamais fait de mal. C'est ma Abraham a fanya kibaye. Mais regarde les enfants de Lot. Mangaria. Les enfants de Lot. Abatoto à l'autre. Ils font du bien, ils font du mal. Ils ont fait du mal. Parfois il y a bibaya. À quelqu'un qui les a fait du bien. Oh le monde, tu as fait avec tout bizarre. C'est avec cette pensée. Na ni wazo. Que nous avons commencé à avertir l'Église. Jo turikara mushana kanisa kila nduku akadara. Hapana kufanishia mtu kibaya. Ne faisais jamais du mal. Na mambo na wewe. À la personne qui ne t'a pas fait du tort. Il ne t'a pas offensé, il n'a pas de problème avec toi. Alors ne pensez pas à mal à même pas de mauvaises pensées sur quelqu'un. Nous sommes allés encore un peu plus loin. Même si quelqu'un qui a fait... Ne gardez pas la colère pendant longtemps. Ça, c'est le comportement des enfants d'Ésaü. Ne gardez pas l'esprit de vengeance, de haine, comme il a fait dans ses frères. Il doit seulement sentir. Et tu commences même à maudire la personne par Evturissem. C'est lui qui est en train de maudire, n'est-ce pas, son frère Balak. Balak. C'est lui le roi des Moabites. Il est allé chercher Balak là en Mésopotamie pour venir maudire ses propres frères du Hachouk. Et nous avons dit, il est haut. Aïwez Konekana ou alors Patikana Katikati et tout. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Vous voyez, dada. Aïna Seme. Ce n'est pas pour dire que la séparation d'Abraham et Lot, il y avait la colère, il y avait non. Ce n'était pas par méchanceté. Aïkopia Rumbaya. Que Abraham avait demandé à Lot de Abraham, Amulumba Kalot, c'est ma toi. Quand vous retournez dans Genèse chapitre 13. Quand tu as dit à Mouanzo, Kuminata. Genèse chapitre 13. Kuminata, tu as Mouanzo. Verset 7. Il y a une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, Abraham a commandé à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre toi et moi, ma kokotano, ni entre mes bergers et tes bergers, voilà, katika kondo yako, car kondo nous sommes des frères. Sababu, tukuanduku. Nous sommes des frères. Tukobanduku. Il ne doit pas y avoir des disputes entre nous. Katika yetu, ma kokotano. C'est pour nous qu'on a même dans la Bible. Vous voyez, attends, Biblia. Dieu interdit des disputes parmi les frères. Les querelles et les disputes. Makukutano, Chano, Inekalaka, Mukuzali, Chawala, Mukuleta, Pachuk. Vous voyez, un frère. Dada, vous voyez, une soeur. Il aime tout le temps des disputes, des discussions, des querelles. Moi, Chane, là, séparez-vous d'elle ou de lui. Pendant que vous êtes encore en bon terme, séparez-vous en bonté dans des discussions, dans des querelles. Il va utiliser un terme ou un mot qui va briser peut-être le sentiment et il va te saisir sur ça et la haine va naître dans ton cœur. Cela veut dire entre frères, Dieu nous interdit de désordre. Dieu refuse de querelles. Dieu refuse des disputes. Dieu refuse des discussions inutiles. Lorsque vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec un frère sur un point, une bonne façon de faire ou d'agir, allez prier pour votre frère. Si vous voyez que ton frère est à tort, allez prier pour lui. Arrêtez des discussions inutiles. Oh, la Bible dit, bien Sema. Oh, Bible, Mandiko la Sema. La Bible aussi. Les Écritures sont malléables. Mandiko, Iko tekete konezu geosa mula penda. Ça dépend de l'esprit. Yo, pis kunangaria ni le roi kodani yako. Il peut tordre l'Écriture. Anawez kunyonga andiko mule nangambo na pendea. Si toi dans ton cœur, kama we mungo yako, tu es convaincu, uko na kikisha kusema, mon frère ici, unduku yangu, ma soeur ici, dada yangu, ne comprend pas les choses correctement. Ashafika mkolo wa bintu mzuri. Bali ya moku anza kukishana. Va prier pour lui ou pour elle. Dieu va amener la paix. Mungu atemirudisha salama katikati yenu. Parce que la révélation, sabu ufunuo, c'est Dieu qui la donne. Ni Mungu jona funa na saidiaka batu. Même les explications des prédicateurs. Ata kama waubiri wanafasiria. N'amène pas la révélation dans le cœur des gens. Akwezi kuleta ufunuo ndani ya moyo batu. Celui qui révèle la parole aux gens. Anekala mfunulia batu sauti ya Mungu. Dans leur cœur. Roho Mtakatifu ndani ya moyo yabo. Utakokutana mtu yeye. Vous allez vous disputer avec une personne qui n'a pas la révélation sur la chose. Vous vous disputez. On a la tourbichana. Sur des écritures. Ou kosa na pamandiko. Pamama mise mo ba ubiri. Non, bien aimé frère. Pana nduku. C'est pourquoi vous voyez ici. Je commande à mon honneur pas. Abraham comme un homme juste. Abraham ça mutu akunyoloka. Éviter qu'il y ait des querelles. Arianza kuepuka kutoma kukutana. Ouais, comment Abraham passé? Comme il était un homme droit. Ça veut dire quoi mutu akunyoloka? Il m'a querelé nanzia. Comme ce bruit a commencé parmi les chèvres de bœufs ainsi que de brebis, et ces désordres qui viennent de commencer à travers nos bergers, si nous demeurons ensemble, ce bruit-là remontera jusqu'à nous et ça sera vraiment honteux devant le phérésien, voyant que le frère en train de se bagarrer, frère, deux frères ici, ou deux sœurs seulement, en train de se bagarrer, se tirer. Sachez de l'opprobre sur notre famille. Dans notre famille, il ne doit exister que la paix. Ni pas qu'à salama, je n'ai pas chaque couille à mouikizazi. Et la paix, na salama, est le fruit de l'amour. Jo matunda ya mapendo. Nous devons nous aimer. Tu n'as pas chaque kupendana. Nous devons nous supporter. Tu n'as pas chaque kuvumilian. Wakati tu napenda mutu utamuvumilia. C'est la haine. Ni chuki qui engendre les querelles. Ne karamu kuzala makokotano mabubishi. Le conflit, c'est la haine. Mwanza kuchungiana mabishilani. Ni chuki jo alitaka bidioko. Abraham, bon Abraham na roho ya mzuri yote. Avec un cœur plein d'affection. Na roho yenye kuyana na mapendo. Anamwambia Lord, nous sommes des frères. Wewe na mie tuko banduku. Il n'y a point de conflit entre moi et toi. Makokotano ishikuye kukatikati wewe na mie. Na Adamu bachunga kondo wala batumishi bafanya kazi yetu mushiko makokotano. Munaona nduku mpendo. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Maichi yote shiko mbele yako. Sépare-toi de moi. Ça, c'est toi, Tiane. Si tu vis à gauche, ouais, comme on est d'accouchoto, j'irai à droite. Mimi tenda kuume. Si tu vas à droite, comme on est d'accouchoto, j'irai à gauche. Mimi tenda kuchoto. Amen. Aye, bien aimé frère. Mon ananda kumpen. Même ici. Ata hapa nyen. Écoutez frère. Mushiki enduko. Ce comportement d'Abraham. Ii nana kutenda wala tabia ya Abraham. Envers son neveu Lot. Bele anduku yake amupo yake Lot. Et une grande importance. Ni amafa kabisa. Une grande instruction pour nous. Ni mafundisho munene sana kwetu. Écoutez frère. Shikia nduku. Lorsque wakati vous logez dans une famille d'accueil. Bana kweka munyumba mwambu bana kupokelea. Le bon conseil. Shauri mzuri munyumba ile banaichika ukale banakupokelea. Veuillez quitter cette famille là. Kesha kusema kutoka mwile nyumba. Veuillez quitter ce foyer là. Kesha kusema pa kutoka mwile nyumba. Séparez-vous de votre frère, de votre sœur. Ujitenge na ule nduku yako na dada yako. De votre belle-sœur, de votre wala, oncle. Semeki yako muyomba yako ularukweka kwake. Pendant la période de la paix. Mwakati ile muko musalama naye. Je dis ceci. Mina sema hivi. Je donne un exemple vraiment clair. Naleta tu mfano ya wazi. Unatoka ku Kambovu huko. Vous quittez Kambovu ici chez nous. Unaenda ku Kinshasa au unaenda ku Kasumbalesa. Vous arrivez à Kinshasa ou à Kasumbalesa. Ku Kasumbalesa unafika. Là à Kasumbalesa vous arrivez. Unafikia munyumba ya mkubwa yako ya dada yako muyomba yako baba mkubwa baba mdogo. C'est ton grand frère, ton père, ton oncle paternel ou maternel, il est autre mais capable. Dans ton cœur, tu veux demeurer à Kasumbalesa. Il t'a reçu, voilà, il t'a reçu là au début. Il vous a préparé la poule. C'est mon neveu, c'est mon frère. Nous avons grandi ensemble. C'est bon sang. Je ne peux pas lui abandonner ou l'abandonner. Il vous a reçu, elle vous a reçu, elle vous traite bien. Vous préparez quand même le poule, vous mettez quelque part où vous allez vous coucher. Un homme sage, intelligent. Lorsque ton frère, ta soeur, ton oncle Il a encore les sentiments corrects envers vous et envers mzuri, ta famille. Na jama yako. Il a encore les sentiments envers positifs ta femme et tes enfants. Fanya nguvu, efforcez-vous utoke munyumba yake de quitter sa maison rapidement parce que là il n'y a pas encore de problème. Séparez-vous en bonté et vous puissiez garder vos relations fraternelles correctement. Ne vous séparez jamais avec ton frère, ton oncle, ta soeur, ton grand frère, ton père paternel ou ta mère paternelle au moment où vous êtes dans des conflits, dans les désordres. Non. Voyez bien mes frères. Mon nom Nanduku. Voyez bien mes sœurs. Mon dada. Apana kuchunga fujo. Ne t'attendez pas lorsqu'il y aura des querelles, des problèmes, t'inquiète entre ta femme et ton, entre ton son mari et ton ou entre vous-même. Maintenant pendant la querelle, tu emballes les trucs. Je vais aller me loger même en dessous des arbres. C'est ça la sagesse que beaucoup de gens manquent. Joe il est ekima batu ba mingi bena kosa. Au lieu de la séparation doit se faire en douceur. Utengano ina pasi katika upole. Wakati ni mko msalama. Que vous puissiez rester avec des sentiments positifs. Pamoja na bengine. Que vous puissiez commencer à vous visiter comme des frères. Ah, avec joie. Mko na heshima. Vous respectez. Non, non, non, non. Vous demeurez dans la maison de ton frère, ton oncle ou ta soeur. Jusqu'à ce qu'ils vont connaître même vos petites erreurs. Ça va engendrer des problèmes. Lorsque vous allez vous disputer, vous avez maintenant des sentiments négatifs. Vous allez vous séparer. Vous avez de mauvais souvenirs. C'est un méchant. Je suis resté chez lui. Regardez comment il m'avait maltraité à Mouzou. L'un est en Choukourane. Je lui avais gardé chez moi. Je lui avais resté ici. Il a quitté ma maison. Il est devenu orgueilleux. Il est yoté. C'est le résultat de manque de sagesse. Il y a quoi ça, quoi, Ekima. Voyez bien, mes frères. Non, non, non, non. Dieu qui l'est. Abraham, c'est ce qu'Abraham a choupend, ne voulait pas que ça puisse arriver là avec lui et son frère. Séparez-vous avec vos proches pendant la période favorable de la paix. Il est comme Uzuri ya Salama. Lorsque dans ton cœur et dans son cœur, il n'y a pas encore de mauvaises choses. Vous garderez votre amitié, na, mutachunga burafiki, votre fraternité, bunduku wenu, d'une bonne manière. Munana mzuri kabisa. Oui, bien, mes frères. Non, apendo. C'est pourquoi on a insisté hier. Ma tuti amukazo jana. Que il n'y a rien dans la conduite. Ya kusema mumwenendo. D'Abraham qui est faux. Amukwa kitu ataki kwa kibaya. De l'autre. Kukutene kwa ndugu yake. Les enfants de l'autre. Tu batoto ya l'autre. Se comporte méchamment. Afike mukaza kutenda na roho mbaya yote. Leur frère. Kwa ndugu yabo. Oui bien mes frères. Non ndugu apendo. Oui bien mes sœurs. Non apendo adada. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Comment il s'est maïf? Je n'ai pas lu hier cette écriture. Nous avons lu autrefois là. Il m'a dit que mais l'ancien Arisomak. Prenez Proverbe chapitre 3. Mais Alitat. Prenez Proverbe chapitre 3. Mais Alisomakatat. Verset 29. Ne médite pas le mal. Apana kufikiri vibaya. Contre ton prochain. Wala kuwazia mbaya ndugu yako. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Wakati anaacha kukaa tu na kimya kumpembeni yako. Ne conteste pas sans motif. Apana kuanza tu masambo bila quelqu'un. Bila mambo na mtu. Lorsqu'il t'a point fait de mal. Wakati anashikufanyia kibaya hata kimoya. Oui bien mes frères. Unaona ndugu mbaya. Ne porte pas envie à un homme violent. Apana kutamania mutu. Et ne choisit aucune de ses voies. Na apana kuchakula tanji yake mbumo ya mbaya. Moab. Amon. Les enfants de l'autre. Batoto ya l'autre. Ils se sont liés avec les hommes violents. Barienda kujunga na bantu ba Esaü. Nguvu ba makari makari Ismaël na Esaü. Et il a commencé à contester. Na anaza naye kubishana. avec son frère Israël sans motif valable. Na nduku yake Israël bila mambo. Et même quand il va appeler, na atapa la nenda kuita. Balaam pour venir maudire Israël. Balaam njua kwa alani Israël. Dieu lui-même avait déjà dit. Mungu mwenye kwa alitimaka asema bia Israël. Usimfuanye Moab mvita. Ne faites pas la guerre à Moab. Nduku yako. C'est ton frère. Hauna na kinchi ya kubeba mu territoire yake. Tu n'as rien à prendre sur son territoire. Dieu avait déjà dit ça. Mungu kwa chance ma ville. Mais comme les pensées. Mais la kinisa de mawazo. Wala wazo. De Moab était chuyé. Ya Moab kwenye uchafuka. Lui la ipe. Ye arishia boka. Oui, bien mes frères. Non, non, nduku wapendo. Des faux raisonnements, fausses méditations. Unafikiria bongo, unaanza kufikiria bongo. Vile alipika bale baadui. Comme il avait fait guerre avec nos ennemis. Nami atoka kunifuana. Moi aussi, il viendra me faire la guerre. Voilà comment il a raisonné. Namna aliwaza. Il a oublié que c'était son frère. Alisabu akusema Israël ni ndugu yake. Mungu alimpatia. Bale Mungu alipatia Israël ruhusa kupigwa ya kuwapika. Ah, les gens à qui Dieu a donné, les gens à qui Dieu a donné l'autorisation à Israël de battre, c'était les ennemis d'Israël. Il quoi ni baadui à Israël. Et lui se met du côté des ennemis. Na ye arienda kujipanga kungambo baadui à Israël. Il fait aussi. Na yeye comme son frère Esaü. Anaanza kutenda sans ndugu yake Esaü. Vous voyez, ce sont les mêmes sentiments. Unaona ni mania moamoya. Esaü dit. Esaü asema. Kama unapima kukanyanga. Nose foule tes pieds. Mbulongo yangu. Je vais te faire la guerre. Celui-ci aussi dit, moi je pense qu'il est fort plus que moi, je vais aller appeler un devin qui viendra les maudire pour que moi aussi je puisse faire la guerre. Vous voyez frère, vous voyez sœur, quel mal qu'Israël avait fait. Qu'est-ce que Israël a fait pour que Moab se comporte de cette manière. Moab en se jetant à la Moïnam. Oui, bien mes frères. Non, non, c'est pourquoi l'orier, jana, nous avons enseigné et dit à l'église. Dans nos cœurs, nous devons apprendre. Nous devons nous apprendre à demeurer en paix avec tout le monde. Nous devons apprendre à refuser de faire le mal à une personne qui n'a pas de problème avec nous. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple de Joe. Il est un fan de Dieu. De Joe, de notre ancien. Museo et tout. On est calme, on est calme, tout pas qu'il va se. Moi, je me mets là. Joe, il dit Joe. Apparemment, il veut me ravir. Non, mais non, non, non, Joe est qu'on a foigné. Parce que c'est les choses qu'il est en train de faire. Il veut prendre ma place. Il veut devenir pasteur. Mais il est membre, il attend Mouro Yachou. Mais cela ne même pas monté dans le cœur de Joe. Ma méditation Yachouki. Ou Fikir quoi? Ma méditation est qu'on y a une ma pensée à Mungu. Quoi, Chouki? Ce sont des méditations qui sont en dehors de Dieu. Ça, ça monte, non, ça que tu considères. Maintenant, je commence à me considérer à un moment donné. Joe Yachou. Mais ce Joe ici n'est même pas. C'est l'ancien n'est même pas. C'est qu'on a prononcé Joe Yachou. Il n'est même pas. Il n'est même pas. Je commence à croire et c'est devenu comme si c'était vrai. Dans, Joe, Kati, dans son cœur, Amunata Kintu. Mambo ya kwanza kuwashianaka vibaya haina kintu kizuri. Des prétentions négatives sur un frère n'est pas correct. Ata frère, même si, c'est quoi j'avais dit. Même si un frère a des oreilles tendues, même s'il a de l'œuvre, même s'il n'a pas des dents, même s'il est, je ne sais pas comment, il est handicapé, même s'il a une tête, on dirait, je pense que ça... Ce n'est pas un problème. C'est comme ça que Dieu lui avait créé. C'est tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Sa tête là, avec ses gros yeux, avec des lèvres. Qu'est-ce que ça vous a fait pour que tu puisses haïr ton frère? Si tu n'as rien fait, vous restez là, en train, Non, frère. Pas nanduku. Tu crois dans ma pensée, il y a bien. Ayons des pensées pures. Oui, bien, mes frères. Non, Andou Kumpen. Tu as mal fait. Vous allez chez un frère. Vous allez chez une soeur, vous répandez. Mais là, Satan, il vient du coup te dire. Le frère, il t'a déjà pardonné. Et la soeur t'a déjà pardonné. Elle a déjà oublié même ses problèmes. Mais là, toi-même, là, c'est le diable qui vient maintenant. est-ce que réellement frère José ici, frère Mundu, réellement il m'a pardonné? Est-ce que réellement il m'a pardonné? Moi je pense qu'il n'a pas encore pardonné. Maintenant il doit faire quoi pour te prouver que il t'a déjà pardonné? Il viendra te lécher au pied pour prouver qu'il t'a déjà pardonné. Pardon, c'est pas la foi. Usama ni kwa imani ndio tunaichikaka. Oui, bien mes frères. Mon nom, Nandou. Oh non, Ashinurumi. Non, apparemment, il ne m'a pas encore pardonné. Non. Il ne m'a pas encore pardonné. Lorsqu'il voit ses malheurs, frères, pour lui, il pense qu'il ne va pas encore pardonner. Des mauvaises pensées. Ou Koutouna Mawazo Njomubaya. Des mauvaises pensées. Mawazo Amubaya. C'est l'abomination devant Dieu. Il m'a koufourou, Mbele Amungu. Oui, bien mes frères. Mon nom, Nandou, à peine. Oh, ma, on est. Ma mauvaise pensée la couille lorsqu'il s'est rempli dans votre cœur, ça va t'amener à faire des mauvaises choses. Oui, bien mes frères. On en a du quoi appeler. Là où il n'y a même pas de problème. À cause de mauvaises pensées. Juste à ma zombie. Oui, bien mes frères. On en a du coup peine. Oui, bien mes sœurs. On en a dans peine. Vous êtes avec ta femme, elle n'a pas de problème avec toi. Mon nom. Vous restez avec ton mari, il n'a pas de problème. Vous commencez les désordres. Vous voyez, c'est ce que l'écriture refuse. Dieu a dit qu'on a kata là. Ces choses-là, c'est à cela que Dieu se venge. C'est pourquoi vous voyez ici, je commande en Europe. Dieu se venge sur Moab à cause de son comportement à l'égard d'Israël. Dieu a eu les mifano quoi Israël, les mungu à la mouripisha qui ça c'est Moab. Si toi, Ndoukou, vous commencez les désordres avec ta femme, là où il n'y a pas de problème, parce que les démons d'adultère t'ont déjà saisi, tu paieras pour ça. Lorsque toi, la sœur, ma soeur, vous commencez des problèmes avec ton mari parce que tu es têtu ou la prostitution, l'adultère que tu as commencé, notamment le Dieu du ciel qui connaît toutes choses, il va vous récompenser. Mon nom est Ndoukoumpeno. Mon nom est Ndoukoumpeno. Tu as ton ami avec qui vous marchez. Vous commencez seulement des problèmes. Ma dispute, tout est inutile. Ma courtane, tout quoi, c'est pour mambo. Na inaza kuleta chuki ndani yenu. Ne le faisons pas. Ndoukou, tu s'y fagnes vilé. Ni ma comportement. Ce sont des comportements. Des Moabites, abattu à Moab. Ni ma comportement. Ce sont les comportements. Mankano, yaba harmonie. À côté, à l'autre, les enfants de l'autre. Nous ne sommes pas les enfants de l'autre. Nous sommes les enfants d'Abraham. Notre comportement doit être différent. Il a chana. Oui, bien mes frères. Nous agissons comme Abraham. Nous ne voulons pas de problème. A tout peine de mambo. Même quand nos frères sont en difficulté, nous voulons les faire du bien. Tu étais toujours des bonnes choses à vos frères. Des bonnes pensées sur ta soeur. Sur ton frère. Il est ma bonne pensée. Et ces bonnes pensées, Dieu bénira ces pensées-là. Oui, bien aimé, frère. Oui, bien aimé, soeur. Oui, je ne sais même pas avancer. Je n'ai rien fait. Chaîne de Koumbé. C'est comme ça que nous devons faire. Vous voyez que tu n'avais pas comportement d'Israël. Nous avons pris le comportement d'Israël. Nous avons pris le comportement de ses frères. Et on prie à la version, c'est ce comportement-là qui est, nous voulons actualiser. Il n'a pas, c'est devenu notre problème actuel. Nous devons nous comporter. Il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Voyez bien mes frères. Vous voyez mon nom, Nandou. Voyez bien mes soeurs. Et même si vous regardez, pourquoi Moab? Dieu a ni Moab. Et Amon sont allés s'associer Barienda Kungana avec Esaü na Esaï et avec les enfants de d'Ismaël na batoto Ismaël bobenyeni batoto bouchaf sont les enfants de l'adultère non l'inceste bamou inceste des enfants qui sont nés de la sueur. Batoto Esaï comme bouchaf. Oui, lorsque quelqu'un en dehors de la volonté de Dieu. Il est né Mouinja Mapenzi Amungu. Il est penché toujours vers le mal. C'est pourquoi nos sentiments doivent être contrôlés. Tu n'as pas ce qu'on a dit. L'église est avec moi. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, je suis encore rapide. Rapide. Nikuaraka Tela Léo. Voyez, frère. Mon nom. Voyez, ma soeur. Toi, tu es ma wazo mubai. Arrêtons le penser négatif. Voilà, badada et tout. Vous n'engagez à tout pasteur, c'est non. Regardez, c'est mal les pasteurs. Ces pasteurs, c'est d'ailleurs, ils ne passent pas chez moi. C'est parce qu'ils ne m'aiment pas. Vous voyez. Satan a quoi, pas parlé. Et le diable te dit là. Pasteur, il passe seulement devant ici. Mais pasteur, il pita parler. Pasteur est passé là-bas. C'est pour aller prier pour les gens. Il est passé chez toi. Peut-être c'est pour aller trancher le kokata maman Boabatu. Vous voyez. Quand tu as de mauvaises pensées. Wakati unakuwa na mama wazo mbaya. Tu interprètes tout négativement. Mambo yote watu watafanya wote ona pa mbaya. La Bible dit. Tout est pur. Yote biko safi. Tout celui qui a un cœur pur. Waune eko na roho ya wazi. Kama kuna roho ya buchafu mambo yote utaanza kuiona pale kwa buchafu hata kusikia kwa kutoka pale kwa buchafu kubaya na wakati kusafi utaanza kuwaza mzuri na mambo yote ni ya kunyoroka mbele yako. Mungu amebariki jua imangaribi mishi mpati jendere ya takumbeli ansia mvuvuai jendere pa avance mzuri. On ne perd rien. Nous devons nous débarrasser. Tu n'as pas ça quoi tirer kutosha. De mauvaises pensées. Mawazo mubaya yote. Toutes les pensées négatives. Zaidi mawazo ya mubaya. Regarde des frères et des sœurs. Kubanduku na badada. Ba frère bengi na ba sœur bengi. Il y a d'autres frères et sœurs. On a eko na kufana njala hapa. En train de mourir de famine. De mauvaises pensées. Tout ya mawazo mbaya. Kama mimi naenda kumlomba dada. Si j'allais demander à telle sœur, me prendra pour un lion du tout. Si j'ai pas demandé, on va me prendre pour un pauvre. Ça c'est de l'orgueil. Il est ni kiburi tout. Amen mes frères. On en nduku. Nduku yako wikala kena imambo. Tu n'as pas de problème avec ton frère. Dada yako wikala kena imambo. Tu n'as pas de problème avec ta sœur. Tu es gêné du anini. Juani unte jizuizi on est dikataria kwenda kumlomba. Nos frères avec qui nous sommes nés, est-ce que nous avons peur d'eux, honte d'eux? Nous-mêmes là, nous réclamons. C'est mon frère. Nous avons partagé le même sein de notre maman. Mais c'est les chrétiens avec qui vous n'avez pas partagé les seins. Vous voyez, nous aussi. En Christ. Ah, nous, en Christ, que nous nous sommes partagés. Nous n'avons pas de mauvaises pensées. Ah, tout le monde est bien. Nous sommes ensemble. C'est pour nous souder. C'est pour nous entraider. Afin de combattre l'ennemi. Et nous avons de mauvaises pensées à tout moment. Nous avons des mauvaises pensées à tout moment. Parce que les mauvaises pensées vont vous éloigner. Mawazo ya mubaya itimpeleka mbali na ya kuendesha mbali na banduku yako na banduku yako na Mungu mwenyewe unaenda mbali. Moi je pense que dans cette église on ne m'aime pas, dans cette église on ne m'aime pas, voilà pourquoi tu commences à kuanza kuwaza bile bintu et le diable va rentrer et toi aussi tu crois à ça et tu trouveras aussi ton ami diable qui haït aussi l'église, n'est-ce pas? Je te disais ces gens là ils aiment entre eux. Et pourtant, toi, tu n'as rien. On ne peut même pas te visiter et tu acceptes ça. De mauvaises pensées. Mawazo mbaya. Prions. Tombe.